Bien-aimés, je vous dis bonjour. Je vais partager avec vous une petite exhortation. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans les temps de la fin et que l'ennemi, pour brouiller les pistes, n'est-ce pas, a créé expressément des courants religieux dans le but de dérouter, d'égarer le maximum de personnes dans des fausses doctrines. Ok. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai essayé de placer, j'ai essayé de faire un travail de 4 groupes. Dans le premier groupe, par exemple, j'ai mis les personnes athées, des sorciers, des gens qui disent Dieu n'existe pas, des sorciers qui croient à leur pouvoir occulte. Dans ce groupe des athées, vous avez effectivement des païens, n'est-ce pas, et d'autres incrédules. Dans le deuxième groupe, vous avez des individus, des personnes qui disent que Jésus est tout ce que vous pouvez dire, sauf le Fils de Dieu. Pour eux, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans ce groupe, vous avez le judaïsme qui est en ce moment pratiqué en Israël. Le judaïsme est clair, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans le même groupe, vous avez l'islam. L'islam dit ouvertement que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors, vous avez l'hindouisme, le bouddhisme. Vous avez des rosicruciens, des francs-maçons, parce que pour les francs-maçons, Jésus-Christ était un homme, un initié qui a atteint le haut degré mystique. Ça, c'est ce que disent les francs-maçons. D'accord? Ensuite, je continue. Vous avez le troisième groupe. Dans ce groupe, j'ai ajouté, vous allez trouver dans ce groupe des catholiques, les témoins de Jéhovah, les mormons, c'est le groupe des personnes qui ont fait des rajouts sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont falsifié certains passages. D'accord. Nous continuons. Nous avons un quatrième groupe. Dans ce quatrième groupe, c'est des gens qui ont créé des courants religieux par des visions. Ils ont eu des visions. Ils ont eu un ange leur a parlé de la part de Dieu. Un ange leur a dit, voilà ce que Dieu me dit de venir dire. Et dans ce groupe, vous avez le christianisme céleste, bien sûr. Vous avez l'islam, vous avez même les mormons, puisque l'ange Moroni, effectivement, est venu parler à Joseph Smith. D'accord. Or, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 22 au verset 23, il est écrit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est celui-là qui est menteur. D'après la Bible est claire. Celui qui dit que Jésus n'est pas le Christ est un menteur. Ensuite, je continue. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Gloire à Dieu. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc vous comprenez que les personnes qui disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu sont déjà complètement à côté de la plaque. C'est des personnes déjà gérées par le diable. Parce que la Bible est claire, si vous ne reconnaissez pas que Jésus est le Fils, vous ne pouvez pas traiter avec le Père, parce que le Fils et le Père sont ensemble. Je continue. Je vais prendre le premier système que vous connaissez, l'Église de Rome, le Vatican. Dans cette Église, dans son faux enseignement, on a fait croire aux gens que pour avoir les faveurs de Jésus-Christ, Marie, la Vierge, est incontournable. C'est le passage obligé. Vous voulez avoir les bénédictions de Jésus, ça ne passe que par la Vierge. Alors que dans toutes les Bibles du monde, nulle part c'est écrit. Vous ne verrez pas ça dans une Bible, qu'il faut passer par la Vierge Marie pour avoir les faveurs de Jésus. Ça n'existe nulle part. C'est de la pure invention du Vatican. La Bible dit, Galates chapitre 1, c'est le verset de base, au verset 9, Galates 1, verset 9. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Méfiez-vous, enfants de Dieu. Si quelqu'un vous annonce un évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la parole, c'est un faux évangile, ne le recevez pas. C'est ce que Paul dit. D'accord? Or, l'Église catholique prêche un faux évangile parce que dans les évangiles, vous pouvez vérifier tout ce que Jésus a eu à dire nulle part. Jésus a enseigné à qui que ce soit que pour avoir mes faveurs, il faut passer par ma mère. Nulle part, un disciple de Jésus a dit à qui que ce soit que Marie est le passage obligé pour avoir la grâce de Dieu. C'est écrit nulle part. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Vatican qui a inventé ça. Ô Seigneur. Ensuite, ils ont inventé d'autres mensonges. Le purgatoire. Vous ne verrez pas, ça n'existe pas dans une Bible, purgatoire. Ça, c'est le mensonge du Vatican. Ensuite, ils ont fait croire à des millions de catholiques que si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, quel que soit ce que vous avez, il faut s'adresser à des saints. La délivrance viendra des saints. C'est-à-dire on ne prie même pas Jésus, ni Dieu le Père. Non, on s'adresse à des saints. Je vais prendre un exemple de cette histoire de saints. Par exemple, frère, je suis en ce moment sur le site internet du Vatican. Site internet du Vatican. Donc, sur le site internet du Vatican, voici ce qui est écrit. Je vais d'abord lire un passage biblique dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Vous pouvez vérifier. Jean chapitre 14 au verset 14. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Si vous demandez à mon nom, pour nom de la Vierge, pour nom de Saint Jean-Baptiste, pour nom de Gabriel, si vous demandez à mon nom, dit Jésus, pas un autre nom. Ok, l'Église catholique enseigne que si vous avez un abcès, vous voulez la guérison d'un abcès, la seule personne qui peut vous délivrer, c'est Sainte Agathe, Saint Guy, Saint Louis. Il faut invoquer ces saints-là. Pour échapper à un accident de la route, vous devez adresser vos prières à Saint Christophe. Vous avez un accouchement. La seule personne qui peut faire en sorte que l'accouchement se passe bien, vous devez prier Sainte Marguerite d'Antioche. Vous pouvez aussi adresser vos prières à Sainte Monique. Si vous avez un enfant, votre fils est adolescent, mais il a un peu la tête en l'air, adressez vos prières à Saint-Louis de Gonzague. Si vous souffrez d'alcool, vous êtes un alcoolique, si vous voulez sortir de ça, adressez vos prières à Saint-Mathias et Saint-Martin. Je suis sur le site internet du Vatican. Vous pouvez aller vérifier, je n'invente rien. Si vous allaitez un bébé, l'Église catholique te conseille de prier Sainte Marguerite d'Antioche et Saint Denolé. Pour tes parents morts qui sont en ce moment au purgatoire, l'Église catholique te conseille de prier Sainte Eugénie Marie Smith Mathilde, Saint-Michel, Saint-Padre Pio. Oh là là, Seigneur mon Dieu. Si vous voulez perdre du poids, vous devez prier, vous devez invoquer Saint-Roch. Si vous souffrez d'anémie, vous devez prier Saint-Firmin. Si vous avez perdu un animal, chat, chien, ce que vous avez perdu, vous voulez retrouver votre animal, vous devez adresser vos prières à Saint-Martin. Vous souffrez du cancer, vous devez prier Saint Aldegonde, Saint Bénil, Saint Jules, Saint Pérégrin. Je suis sur le site internet du Vatican. Je n'invente rien. Si vous avez des cauchemars la nuit, adressez vos prières à Saint Jules. Ça, c'est le Vatican. Vous êtes au chômage, vous cherchez du boulot. Vous devez adresser vos prières à Saint-Joseph et Saint-Rémi. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, demandez à mon nom, je le ferai. Et plusieurs fois dans les évangiles, Jésus dit, demandez à mon Père, mais à mon nom. Jésus n'a jamais dit, demandez à Saint Jean-Baptiste, demandez à Marie, demandez à Saint Michel. Sainte Marguerite, il ne l'a jamais dit. Vous ne trouverez pas ça dans une Bible. C'est du mensonge. L'apôtre Paul a dit, si on vous annonce un autre évangile qui est différent de ce qui est dans la Bible, refusez-le. Refusez-le. Mais comme les catholiques ne lisent pas la Bible, comme les catholiques ne lisent pas la Bible, c'est pourquoi on peut les traîner dans la boue. On leur demande d'invoquer les saints, alors que la Bible interdit ça. Nous ne sommes pas là pour prier les saints. La Bible nous conseille de prier Dieu, de prier son Fils. Pas les saints. Jésus dit, ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. En son nom. Bien-aimés, trop de mensonges. Trop de mensonges. Voilà, je vais lire dans 1 Corinthiens. Je vais lire dans Galates chapitre 1 au verset 9. Excusez-moi. Je reviens sur ce que Paul dit, parce que c'est le verset de base. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, la Bible est claire. Nous devons que ce soit un ange qui vient te parler dans ta chambre. Tu dors la nuit, un ange apparaît. Ou bien tu es dans la forêt ou dans la voiture, on te parle dans une vision. Paul te dit, il faut comparer ce qu'on t'a dit là à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, tu dois le rejeter. Je veux vous parler d'un monsieur. Il s'appelle Joseph Smith. Ce monsieur, s'il vous plaît, en 1820, ce garçon est étonné, il ne comprend rien. Il va dans plusieurs églises, il trouve que ce qu'on enseigne, l'enseignement n'est pas le même. Il dit, mais ce n'est pas possible. Si on prie le même Dieu, le message devrait être le même. Alors, il a décidé d'aller dans un petit bois pour aller prier Dieu. Il a dit, j'amène ma Bible, je m'en vais prier pour que Dieu lui-même se révèle à moi. Moi, je veux connaître la vérité. Il est allé dans un petit bois et il a commencé à prier à haute voix. Il raconte qu'à un moment donné, il a eu une vision, deux êtres dans la vision, deux esprits. Et l'une des personnes a dit à Joseph que, écoute, celui-là, c'est mon fils, il faut l'écouter. Et puis, disparition. Joseph rentre chez lui. Il commence à avoir des révélations. Une nuit, alors qu'il dormait, l'ange Moroni apparaît dans sa chambre. Un ange. L'ange Moroni lui dit, Joseph, puisque tu tiens à connaître la vérité, je te dis que la Bible seule ne suffit pas. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des écrits, des annales cachées sur une colline, la colline Cumorah. Il s'agit des annales qui contiennent le vrai évangile que Dieu avait donné aux anciens habitants de l'Amérique. Ces vrais évangiles, les vrais, ils sont cachés sur la colline Cumorah. Va là-bas, va chercher, comme ça tu auras et la Bible et le vrai évangile. Vous vous rendez compte du mensonge? Ça veut dire que pour l'évangile qui est dans la Bible, quoi, c'est le faux évangile d'après l'ange Moroni, puisque l'ange Moroni lui dit, ce qui est dans la Bible là ne suffit pas. Le vrai évangile se trouve sur caché, les annales sur la colline Cumorah. Vous vous rendez compte? Paul dit, si on vous parle d'un autre évangile qui est différent de l'évangile que vous avez dans la Bible, refusez cet évangile. Mais Joseph Smith, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fouiller. Et sûrement, l'ange Moroni l'a inspiré, lui a montré l'endroit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Mormons se retrouvent avec la Bible et le livre des Mormons qui est ce que l'ange Moroni a révélé à Joseph Smith. C'est pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, si vous allez aux grandes églises des Mormons, vous allez voir la statuette de cet ange, l'ange Moroni, qui est devant l'église. Or, la Bible dit, Si on vous annonce un évangile qui est différent de l'évangile de la Bible, refusez-le. Je vais prendre un autre courant que vous connaissez, frères et sœurs, les témoins de Jéhovah. Je vais d'abord parler, lire Galates chapitre 1 au verset 11. La parole de Dieu dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Paul dit, la parole que je vous prêche, ce n'est pas le fruit d'une étude. Je ne l'ai pas appris quelque part. Ce n'est pas dans une école de théologie ou dans des cours bibliques. Je vous prêche la révélation, ce que Dieu lui-même m'a enseigné. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La Bible dit, le monde, par sa sagesse, n'a point connu Dieu. La Bible est claire, on ne peut pas connaître Dieu par notre intelligence. On ne peut pas connaître Dieu par nos diplômes, bac plus 10, bac plus 10 000, bac plus 1 million. Par l'intelligence de l'homme, on ne peut pas connaître Dieu. Parce que la Bible dit, le monde, avec sa sagesse, ne peut pas connaître Dieu. Oh, vous allez, pourquoi j'insiste là-dessus? Vous allez comprendre après. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Un groupe de chrétiens en Pennsylvanie, aux États-Unis, ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs versions de Bible. La version Darby, version Louis II. Les autres versions, ils se sont dit, mais non! Quand on compare les versions, ce n'est pas à 100% pareil. Nous-mêmes, on va aller sur les textes hébreux et grecs pour connaître la vérité, pour avoir la vraie version. Ils se sont regroupés, ce groupe de chrétiens. Et dans le groupe, il y avait un garçon qui s'appelait Charles Russell. Ce Russell, Charles, c'est lui qui était le rédacteur, qui était chargé de publier dans la revue Tour de Garde le résultat de leurs études. Donc il faut que tu saches, toi qui es témoin de Jéhovah, que la Tour de Garde n'est rien d'autre que le résultat des études du groupe qui étudie la Bible. Or, Paul dit, le monde par sa sagesse n'a pas connu Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par la sagesse des hommes. Ce n'est pas par nos diplômes universitaires. Et l'apôtre Paul dit, moi ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris de qui que ce soit. Ce n'est pas le résultat d'une étude. Dieu me l'a révélé. Je ne vous prêche pas le contenu de l'étude. Je n'ai pas étudié la parole et venir vous apprendre, venir vous prêcher le résultat de mon étude. Ce que je vous prêche, c'est la révélation. Ce n'est pas le fruit d'une étude. Or, dans la Tour de Garde, dans la brochure, c'est le résultat d'une étude. Le groupe s'est réuni pour étudier. C'est la sagesse de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme, la compréhension intellectuelle de l'homme qui est publiée dans la Tour de Garde. Alors, c'est la raison pour laquelle, et ces témoins de Jéhovah, ils vont jusqu'à dire, l'enfer n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, dans leur Bible, traduction du monde nouveau, si vous méfiez-vous de cette Bible, parce qu'il y a des choses qui ont été falsifiées dedans. Si vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, vous la comparez à la version Darby ou à la version Louis II, vous verrez que plein de choses ont été falsifiées. C'est-à-dire que dans la version Bible des témoins de Jéhovah, voilà, dans cette version, vous avez leur propre compréhension. Parce que pour eux, Louis II s'est trompé, Darby s'est trompé, les autres se sont trompés. C'est eux qui ont la vraie révélation. C'est eux qui ont la vraie version. Parce que dans la Bible, ils disent, non, là, ce que Louis II a écrit là, il s'est trompé. Ce que Darby a écrit dans sa Bible là, il s'est trompé. Nous, on a la vérité c'est avec nous. C'est pourquoi il faut se méfier de cette Bible. Il y a plein de choses falsifiées là-dedans. Alors, je continue. Je laisse Monsieur Russell et ses amis dans leur coin. Ils disent que l'enfer n'existe pas. Je vais lire rapidement dans Matthieu 25, verset 41. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus-Christ est clair, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous vous rendez compte? Et eux disent, non, l'enfer n'existe pas. La Bible dit, si on vous annonce un autre évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la Bible, qu'il soit anathème, il faut refuser cet évangile. Alors, je veux m'intéresser d'un monsieur, Joseph Oshopa. C'est le fondateur de l'église céleste. Ce monsieur raconte, il était croyant, Oshopa. Un jour, il décide d'aller dans une forêt. Ils étaient à deux avec un piroguier. C'est le piroguier qui dirigeait la pirogue parce qu'il devait traverser un fleuve. Le problème, c'est que pendant que monsieur guidait la pirogue, le piroguier, il a des violents maux de vent. Il souffre. Oshopa prie pour lui. Et puis, du coup, la douleur disparaît. Le piroguier dit, oh, l'homme-là n'est pas sain. Une simple prière et la douleur est partie. Le monsieur-là, celui-là, et cet homme a eu peur d'Oshopa. Ça, c'est Oshopa qui le dit. Et le piroguier a pris la fuite. Il a laissé Oshopa seul dans la forêt. Or, entre le village et la forêt, ils étaient séparés par un fleuve. En plus, il y a eu la pluie et l'inondation. Voilà comment Oshopa se retrouve prisonnier dans la forêt. Pas de pirogue, rien du tout, avec l'inondation. Comme il était croyant, il s'est mis à prier. Il raconte qu'au troisième jour, alors qu'il était à genoux en train de prier, il y a eu l'éclipse. Il a vu l'éclipse, il avait peur, c'est ce qu'il dit. Et il s'est mis à prier encore. Et du coup, il entend devant lui, « Lilou, Lilou, Lilou !» Oshopa a peur, il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Un singe blanc, avec des ailes. Le singe avait des ailes, le singe était tout blanc, et le singe avait les deux dents du haut, ils étaient longs, les longues dents. Les dents du bas, longs aussi. Oshopa, regarde cette tête, qui est sous forme de singe blanc, qui est en face de lui, et quand il regarde à côté de son pied droit, il voit un serpent enroulé. Le serpent le regardait. Oshopa dit que le cou du serpent était gonflé avec une petite tête. Et Oshopa dit qu'il croyait que le serpent allait le mordre. Quelques minutes après, il entend les battements d'ailes. Il regarde un oiseau qui avait des ailes pointues. Oshopa a peur. Il raconte que lorsqu'il est parti de là, et qu'il s'est retrouvé au village, il a commencé à prier pour les gens. Et les gens voyaient les miracles. Il y avait des miracles. Vous savez, le diable fait les miracles. Parce que le diable sait que l'homme aime les miracles. Lorsque l'homme voit les miracles, l'homme s'accroche. C'est pourquoi les faux hommes de Dieu ont des fidèles dans leurs églises. Parce que ces fidèles-là ne cherchent même pas à lire la Bible pour vérifier si les miracles de leur pasteur ou de leur prophète sont bibliques. Parce que si on te demande de boire un truc pour avoir une guérison, mon frère, ma soeur, tu n'es plus... Là, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Là, tu es déjà chez les marabouts. Quand on te dit, donne d'abord des offrandes, tu es déjà là, complètement, chez un marabout. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et Oshopa a commencé à répandre l'église céleste. Il faut que tu saches, toi qui es dans le christianisme céleste, que l'évangile céleste est venu d'un singe blanc, d'un serpent et d'un oiseau aux ailes aiguës. C'est ça la révélation de Oshopa. C'est ça l'église, l'évangile céleste est venu de ça. Quand Oshopa est mort, oh Seigneur, quand il est mort, son corps était exposé dans une ville du Nigeria qu'on appelle Tapawa Balewa. Le corps était là, devant tout le monde, son corps. Il était déjà mort. Une femme qui était au bord d'une fontaine, qui n'était même pas du christianisme céleste, cette femme a vu l'éclipse. Et à l'intérieur de l'éclipse, un être qui lui disait, je suis Oshofa. Va répandre au monde entier qu'Oshofa est vivant. Va dire au monde qu'Oshofa est vivant. Bien-aimé, regardez le diable. Qu'est-ce que le diable est ridicule? Parce que Jésus a dit à Marie de Magdala et les autres, allez dire à mes frères que je suis vivant. Satan cherche aussi à imiter ça. La femme a vu dans l'éclipse un être spirituel qui lui disait, c'est moi Oshofa, c'est moi. Va dire à tout le monde qu'Oshofa est vivant. Mais franchement, va dire au monde qu'Oshofa est vivant. C'est Oshofa le Messie. Oshofa a été à la croix pour qui? Pour que j'aille dire dans le monde entier qu'Oshofa est vivant. Est-ce que c'est Oshofa le Sauveur? Pourquoi je dois faire le tour du monde dire qu'Oshofa est vivant? C'est Oshofa le Messie. C'est Oshofa qui a versé son sang à la croix pour nous. Pourquoi je dois dire partout qu'Oshofa est vivant? Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, cette église céleste existe, mais il est important que vous sachiez comment est venu et par qui l'évangile céleste. Ça vient d'un singe blanc, ça vient d'un serpent et d'un oiseau aux ailes aiguës. Ça, c'est ce que Oshofa raconte dans son livre. Bien-aimé, je continue. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, je veux m'intéresser brièvement à un monsieur que vous connaissez, Simon Kibangu. C'est lui, le fondateur de l'église, les Kibanguistes. C'est un Congolais, n'est-ce pas, né dans une ville du Congo appelée Nkamba. Alors, ce monsieur raconte que le 5 avril 1921, à minuit, il était dans sa chambre quand il a eu une vision. Jésus vient lui parler. Jésus vient lui parler dans sa chambre alors que Kibangu était sur son lit. Jésus lui dit, Simon, il faut que tu saches qu'Adam et Ève étaient des noirs, pas des blancs, pas des jaunes, des noirs. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches aussi que Dieu a créé Adam et Ève ici, ici en Kamba. C'est ici que Dieu les a créés. Il faut que tu saches aussi que ce Nkambala, la ville là, va devenir la nouvelle Jérusalem céleste. C'est Nkamba. Bien-aimé, c'est Nkamba. D'après la révélation de ce Jésus, que c'est Nkamba qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Quel mensonge! Or, dans l'Apocalypse, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel. C'est écrit noir sur blanc. La nouvelle Jérusalem céleste n'est pas faite des mains d'hommes. Ce n'est pas aux architectes congolais de construire la nouvelle Jérusalem céleste. La Bible dit, elle va descendre du ciel. Un mensonge. La Bible, il est écrit, Paul a dit, si on vous annonce un évangile qui est différent de l'évangile qu'on vous a prêché, qui est dans la Bible, qu'il soit anathème. Refusez cet évangile. Refusez. Si un ange t'apparaît dans la chambre, si tu vas dans ton champ de maïs ou de manioc, un ange, tu as une vision, peu importe qui va te parler, que ce soit dans un sommeil, tu dors la nuit, Paul te dit, ce qu'on va te donner là comme message de Dieu, il faut le comparer à l'évangile de Christ. Si tu trouves que ce n'est pas conforme, ce n'est pas la même chose, que tu n'as pas ça dans la Bible, que la Bible ne le dit pas, Paul te dit, qu'il soit anathème, rejette cet évangile. L'évangile qui n'est pas conforme, qui n'est pas biblique, qui est différent de ce que la Bible te dit, rejette-le. La nouvelle Jérusalem céleste descend du ciel. Et on vient dire à Simon Kibangu, non, c'est Nkamba qui va devenir la nouvelle Jérusalem. Adam et Ève étaient des noirs. Ok, mais s'ils étaient des noirs, si nos ancêtres étaient des noirs, parce que la Bible ne me dit pas quelle couleur de peau avait Adam et Ève. Bon, on vient te dire que c'était des noirs, mais pourquoi il y a des jaunes et des blancs, tout ce mélange-là? Voilà. Bien-aimés, faisons très attention. Et si cette histoire qui banguiste est de Dieu, moi je pose une question. Comment expliquer que Simon Kimbang meurt? Ensuite, c'est toujours des parents, parents par parents, jusqu'aux petits-enfants. On dirait une entreprise privée. L'œuvre de Dieu, Dieu est souverain. Moi, je suis pasteur. Quand je vais mourir demain, ce n'est pas mon fils qui prend. Est-ce que c'est une entreprise privée? Pourquoi mon fils? L'œuvre étant de Dieu, Dieu place qui il veut. Mais pourquoi cette histoire qui banguise, ça va que de parent en parent? Grand-père, père, fils, petit-fils. Pourquoi ça doit toujours être de quelqu'un de Kibang? Pourquoi? Est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est une entreprise privée? C'est ça la question. C'est là où je me pose des questions. Donc, bien aimé, je vais terminer par Apocalypse au chapitre 22, que je vais lire. Apocalypse au chapitre 22, du verset 13 au verset 19. La Bible dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. La Bible dit bien de ce livre, c'est-à-dire la Bible, de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de cette parole, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Bien-aimé, Dieu dit que personne ne retire, que personne n'ajoute Apocalypse 22 au verset 18 et 19. Dieu dit aux hommes, n'ajoutez pas et n'enlevez pas. Donc, je ne sais pas qui te prêche l'évangile. Je ne sais pas la vision que tu auras demain. Je ne sais pas ce que le diable va te dire demain dans une vision. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Et la Bible dit, si on t'annonce un évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la Bible, refuse cet évangile. Refuse-le. Oh, vous allez voir quoi? Vous allez voir les Mormons, Joseph Smith. On lui dit la vérité. L'ange Moroni lui dit la vraie vérité, c'est la Bible plus les écrits des annales qui étaient cachés sur la colline Cumora. Donc, ça veut dire quoi? Si ces écrits-là, c'est le vrai évangile, comme l'ange Moroni lui dit, ça veut dire que ce qui est dans la Bible, c'est le faux évangile. Mais il faut quand même réfléchir. Regardez les témoins de Jéhovah, ce qu'ils font. Ils falsifient leur Bible. Traduction du monde nouveau, qui est complètement différent des versions secondes et des autres, et qui font des publications dans la tour de garde, des publications qui sont le résultat de leurs études, alors que l'apôtre Paul dit, moi je ne prêche pas l'étude, je prêche la révélation. Et l'apôtre Paul dit, le monde par sa sagesse ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu par notre intelligence, on ne peut pas connaître Dieu par notre sagesse. C'est Paul qui le dit. Et vous avez Joseph Chopin, qui reçoit une révélation soi-disant de Dieu, qui vient d'un singe qui a des ailes, un singe, d'un serpent et d'un oiseau qui a des ailes pointues. Mais bien aimé, réveillez-vous. Comment le diable peut vous entraîner dans l'égarement? Comment vous pouvez croire à de tels mensonges? Lisez la parole de Dieu. Si ce qu'on t'enseigne là où tu es, si dans ta doctrine il y a des choses contraires à la Bible, refuse-les. C'est Jésus qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et non la Vierge Marie. Si je suis malade, j'adresse mes prières à Dieu au nom de Jésus. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Ça, c'est pas l'enseignement du Vatican. Le Vatican, lui, te dit, si tu es malade, c'est Saint-Michel. C'est Saint-Christophe. Jésus, lui, il enseigne que si tu es malade, demande à mon Père, mais en mon nom. Mais le Vatican te dit, si tu as des problèmes, va vers Saint-Jean-Baptiste. Alors que Jésus te dit, si tu as des problèmes, va chez son père. Regardez comment l'église catholique a égaré les gens. Comment cette église a amené des fidèles, des croyants à prier d'autres personnes en dehors de Dieu et son fils Jésus. Dans toutes les Bibles, Jésus dit, demandez à mon père, quels que soient vos problèmes, en mon nom, moi je le ferai. L'église catholique dit non, demande à Saint Jean-Baptiste, c'est lui qui le fera. Non, si tu veux avoir les faveurs de Jésus, passe par Marie. Tu as des problèmes de dépression, prie Saint Jean-Baptiste. Un faux évangile, ça n'a rien de la Bible. La Bible ne connaît pas ça. Paul a dit, si on vous enseigne des choses, un évangile qui n'est pas dans la Bible, rejetez-le. Que Dieu vous bénisse.